Les éditions de l'Avenir présentent Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, Histoire de sa vie et de ses voyages par N.E. Dionne, lu par Christian Martin. Chapitre 16e. Champlain et les Récollets, 1614-1615. Motif de Champlain pour coloniser la Nouvelle-France. Travail surtout à l'extension du catholicisme au milieu des barbares. Le sieur Rouet, secrétaire du roi, vient à son aide. Le père Verger, provincial des Récollets. États généraux approuvent le plan d'envoyer des missionnaires au Canada. Lettre patente royale. Permission du nonce papal. Les pères Le Caron, Jamais et Dolbeau, le frère Duplessis, premier missionnaire. Séjour de Champlain à Rouen. Départ des religieux et de Champlain pour Québec. Difficultés qu'ils doivent surmonter. Amitié de Champlain pour les Récollets. L'affection, ou pour mieux dire, la passion de Champlain pour faire des découvertes dans la Nouvelle-France, le rendait de plus en plus désireux de parcourir le pays dans toutes les directions, afin de se le rendre familier jusque dans les moindres détails. Les seuls moyens de communication à sa portée consistaient dans la chaloupe ou le canot sauvage. Cela pouvait suffire pour remonter le cours des rivières ou traverser les lacs. Mais pour bien connaître un pays, il n'importe pas seulement de savoir s'il est bien ou mal arrosé, s'il renferme des rivières plus ou moins navigables, des lacs poissonneux, des pouvoirs d'eau en abondance. Or, jusqu'à présent, le fondateur de Québec avait poussé ses explorations avec une vigueur et une célérité qui étonnent. Il avait remonté la rivière des Iroquois jusqu'au lac Champlain. Il s'était enfoncé vers les sources de la rivière des Outaouais avec un courage tel que les Algonquins ne purent s'empêcher de lui en exprimer leur admiration. Les premières avenues du Saguenay n'avaient pas échappé à ses regards inquisiteurs. Mais il lui restait encore beaucoup à voir, encore plus à connaître. Ainsi, la fertilité du sol sous les différentes latitudes du pays, les coutumes et les mœurs des sauvages, surtout de la grande tribu Huronne, la plus nombreuse, une des plus puissantes et peut-être la mieux disposée à recevoir la semence évangélique à cause de ses dispositions sédentaires. Champlain entretenait toujours la louable ambition d'introduire les idées chrétiennes chez ces peuples barbares afin de les amener par la suite à la civilisation. C'est ce qu'il dit clairement et ce qui ressort de ses nombreux récits. Rentré en France en 1614, il écrivait ces mots qui nous font bien connaître ses intentions à cet égard. « Ne perdant pas courage, dit-il, je n'ai laissé de poursuivre et fréquenter plusieurs nations de ces peuples sauvages, et familiarisant avec eux, j'ai reconnu et jugé, tant par leurs discours que par la connaissance déjà acquise, qu'il n'y avait autre ni meilleur moyen que de patienter, laissant passer tous les orages et difficultés qui se présenteraient, jusqu'à ce que Sa Majesté y apportât l'ordre requis, et, en attendant continuer, tant les découvertures aux 10 pays, qu'à apprendre leur langue, et contracter les habitudes et amitiés avec les principaux des villages et des nations, pour jeter les fondements d'un édifice perpétuel, tant pour la gloire de Dieu que pour la renommée des Français. » A-t-on jamais remarqué la portée de ces paroles dans la bouche du fondateur de Québec? Est-ce le langage d'un vulgaire trafiquant de pelleteries, ne cherchant à étendre ses relations avec les naturels du pays que pour en retirer une fortune, objet de son ambition? Quel est son but en réalité dans toutes ces démarches où il ne rencontre que des boires et mécontes? Est-ce la curiosité du touriste ou l'ambition du savant à la recherche des secrets de la nature? Champlain aimait à s'instruire sans doute et, au point de vue de la science nautique et géographique, il s'est élevé à une grande hauteur, mais il voulait faire servir ses connaissances variées à la grande et noble cause de sa religion, sans oublier dans ses motifs l'honneur de sa patrie. Aussi, nous disons, sans vouloir placer Champlain sur un piédestal plus élevé qu'il ne convient, que sa conduite générale est digne de notre admiration. Son dévouement à la colonie naissante ne se démentit jamais, depuis le jour où il posa le pied sur le rivage de Québec jusqu'à son heure suprême, dévouement aux habitants, privés de ressources et souvent persécutés dans leurs biens et leurs poids. Dévouement aux pauvres sauvages en proie aux famines, aux guerres et à l'idolâtrie. dévouement à la religion catholique et à ses héroïques apôtres. Les événements prochains nous apporteront la preuve convaincante que Champlain songeait sérieusement, à l'époque où nous en sommes rendus dans son histoire, à faire parvenir la connaissance de Dieu au sein de ces peuples vivant sans religion comme des brutes. « Je jugeais à part moi, dit-il, que ce serait faire une grande faute si je ne m'employais alors à en préparer quelques moyens. » Cette faute, il sut l'éviter. Aussi doit-on savoir lui en attribuer l'honneur. Non seulement il eut l'idée d'amener des missionnaires au Canada, mais c'est lui-même qui réussit à la réaliser. Naturellement, le concours de personnes aussi pieuses que zélées à étendre la doctrine du Christ sur cette terre de désolation contribua puissamment à donner de l'essor à son œuvre. Le bon vouloir des religieux de Saint-François seconda beaucoup ses efforts. Mais, enfin, ce fut Champlain qui, par sa persévérance et par son habileté, mena le plan à bonne fin, comme nous allons voir. Rentré en France en 1614, il s'occupa activement à fonder une société de marchands qui dirigerait les affaires matérielles de la colonie. Nous l'avons vu à l'œuvre dans la ville de Saint-Malo, aussitôt après son arrivée sur le vaisseau du sieur de Maisonneuve. À Rouen, il s'employa au même but. Les anciens associés de La Rochelle reçurent également communication du nouveau projet. Tous convinrent que les organisations antérieures avaient été défectueuses et qu'il fallait mettre la compagnie projetée en état de résister aux empiétements des marchands étrangers. Comme il fallait nécessairement obtenir l'assentiment du roi et du vice-roi de la Nouvelle-France, il fut convenu que les intéressés se rendraient à Fontainebleau et discuteraient ensemble des articles du contrat. Aujourd'hui, les Manouins et les Rouennais arrivèrent, mais les Rochelais firent défaut. La compagnie fut formée, chacune des villes coopérant pour un tiers dans les dépenses, et devant, en retour, partager dans la même proportion s'il y avait des profits. Mais les marchands de La Rochelle, pour une raison ou pour une autre, ne répondirent pas aux espérances que l'on fondait sur eux. Rouen et Saint-Malo se virent alors dans l'obligation de prendre charge de l'affaire, moitié pour moitié. Après 1000 difficultés, la société fut constituée pour 11 ans, le contrat fut approuvé et ratifié par le roi et par le prince de Condé. Les Rochelais essayèrent plus tard de molester les marchands des autres villes et un procès qu'ils s'y suscitèrent à ce propos finit par tourner contre eux. Quelques particuliers de Saint-Malo, jaloux aussi de se voir frustrés de leur liberté dans les affaires de traite, réussirent, à force d'intrigues, à faire insérer dans le cahier général des États tenus à Paris qu'il serait permis d'avoir le commerce des pelleteries libre pour toute la province de Bretagne. L'article qui le leur défendait fut maintenu par l'intervention du prince de Condé, mis au courant de l'affaire par Champlain. La grande question matérielle était réglée à la satisfaction de tous ceux qui portaient quelque intérêt à la Nouvelle-France. Champlain se mit immédiatement à la recherche de religieux qui eussent le zèle et affection à la gloire de Dieu pour les persuader d'envoyer ou se transporter en ces pays et essayer d'y planter la foi, ou du moins y faire ce qui serait possible selon leur vocation. Il avait communiqué son dessein à plusieurs personnes du monde qui pouvaient l'aider de leur bourse et de leur influence. Le premier qui entra pleinement dans ses vues fut le sieur Well, secrétaire du roi, contrôleur général des salines de Brouage, homme d'honneur, pieux, zélé pour les œuvres religieuses et bien connu par le fondateur de Québec. Ce distingué personnage lui dit qu'il connaissait de bons pères religieux de l'ordre des Récollets, avec qui il était familier, qui condescendraient aisément à entreprendre le voyage du Canada. La question de leurs dépenses serait facile à régler, car il ne pouvait en coûter beaucoup pour la vie de 3 ou 4 religieux. Il était prêt à souscrire sa quote-part pour assurer le succès d'une aussi belle mission. Le sieur Well fit part du projet au père du Verger, provincial de l'Immaculée Conception, religieux d'une grande vertu et d'un rare talent. Ce religieux était alors au couvent de son ordre à Brouage. Les confrères qu'il mit au courant de la lettre de Well s'offrirent tous à aller au Canada. 2 furent envoyés à Paris, munis d'une commission de leur supérieur, laquelle, pour être valide, devait apporter l'approbation du nonce du pape. Mais celui-ci les référa au général de leur ordre, ou plutôt au provincial de la province de Saint-Denis, qui était alors le révérend père Garnier de Chapoin. Ce dernier s'en ouvrit au prince de Condé et aux cardinaux et évêques alors assemblés à Paris pour les états généraux. Ils louèrent l'idée d'envoyer des Récollets dans ces missions lointaines et promirent de prélever entre eux une partie des fonds nécessaires à l'entretien de 4 religieux. Champlain fut à son tour trouver des vénérables prélats pour les remercier de leur patronage, et il les engagea à intéresser à son œuvre des personnages aussi bien disposés qu'eux en sollicitant leur aumône. Ils lui firent remettre, quelques jours plus tard, près de 1500 livres. Cette somme était destinée à l'achat de chapelles portatives, de linge, d'ornements d'église et d'autres objets nécessaires à la mission. De leur côté, les marchands de Rouen s'engagèrent à nourrir, entretenir et transporter gratuitement jusqu'au nombre de 6 les récollets qui iraient au Canada en qualité de missionnaires. Le roi accorda au père provincial des lettres patentes pour la future église canadienne. Le nonce, enfin, lui accorda verbalement les permissions requises conformément aux ordres du souverain pontife, en attendant un bref qui ne fut expédié que le 20 mai 1618. Le choix du père Garnier pour fonder le personnel de la mission tomba sur les pères Denis Jamais, Jean Dolbeau et Joseph Le Caron. Le frère Duplessis devait les accompagner. Ces 4 religieux étaient également remarquables par leurs vertus et leur zèle apostolique. Le père Jamais, aussi bien connu sous le nom de père Denis, de même que le père Le Caron, était indifféremment appelé le père Joseph, était revêtu de la fonction de commissaire, et le père Dolbeau devait lui succéder en cas de mort. Ces 3 religieux n'avaient que des pouvoirs ordinaires. Administrer les sacrements, à l'exception de ceux qui exigent le caractère épiscopal, célébrer la messe sur des autels portatifs, en des lieux décents et honnêtes, et accorder certaines dispenses de mariage. Le roi autorisait le provincial des Récollets à construire un ou plusieurs couvents au Canada et lui permettait d'envoyer autant de religieux qu'il jugerait nécessaire. Mais on dut se contenter, pour la première année, d'un faible contingent. Nous verrons ce nombre s'accroître insensiblement à mesure que les besoins se feront de plus en plus sentir, sans toutefois dépasser les modestes proportions que la pauvreté et les communications difficiles tendaient sans cesse à restreindre. Champlain avait choisi la ville de Rouen pour réunir ses pères avant de prendre passage à Honfleur sur le vaisseau de Pontgravé. Ils y séjournèrent quelque temps ensemble, tout en faisant leurs préparatifs de départ. « Et cependant, dit Champlain, on se prépara pour la conscience à ce que chacun de nous s'examinât et se purgeât de ses péchés, par une pénitence et confession d'issue, afin de faire son bon jour et se mettre en état de grâce, pour, puis après étant plus libre, chacun en sa conscience, s'exposant à la grâce de Dieu et à la merci des vagues de cette grande et périlleuse mer. » Le 24e jour d'avril 1615, le Saint-Étienne, de 350 tonneaux, faisait voile de Honfleur et, poussé par un vent favorable, devenait mouillé un mois plus tard, devant Tadoussac, après une magnifique traversée sans tempête et sans glace. Le 25 mai, jour de l'arrivée des bons pères, était la fête de la translation de Saint-François d'Assise, fondateur de leur ordre. Cette coïncidence fut regardée comme un bon augure pour l'avenir de la mission. Un mois après, jour pour jour, le père Dolbeau devait célébrer la messe dans l'humble chapelle construite au pied de la côte de la montagne de Québec par les soins des religieux et la coopération active du fondateur de la colonie française. En mettant le pied sur le sol du Canada, ces braves missionnaires allaient se trouver en face de difficultés assez faciles à prévoir pour ceux qui connaissaient l'esprit du temps et les conditions d'existence de la Compagnie des marchands, patronnée par Henri de Condé. Plusieurs de ceux-ci appartenaient à la religion prétendue réformée, comme l'appelle Champlain. Il va de soi que leur sympathie n'était pas dirigée vers le catholicisme et sa transplantation à l'étranger. Depuis Coligny, qui avait entrepris de fonder la mairie des colonies huguenotes, afin de reprendre le terrain que ses cours religionnaires perdaient constamment en France, les marchands les plus aisés s'empressaient d'entrer dans ces sociétés auxquelles les faveurs royales semblaient être un gage de prospérité. La tolérance de Henri IV, accordant aux Huguenots le libre exercice de leur religion et l'accès aux charges de l'État, leur avait procuré le moyen de faire valoir leur influence partout où elle se pouvait faire sentir, dans la marine, dans l'armée, à la cour et dans les colonies. Cette influence, le plus souvent néfaste, nous l'avons déjà dit, fut un mal incalculable aux établissements français en Acadie et sur les rivages du Saint-Laurent. Champlain ne manque pas de faire connaître les tristes résultats de cet amalgame de religions qui ne fit qu'engendrer des querelles et souvent des rixes entre les enfants d'un même pays. « Deux religions contraires, dit-il, ne font jamais un grand fruit pour la gloire de Dieu parmi les infidèles que l'on veut convertir. » Et ce fut ce qui se trouva à redire dans cette entreprise. « J'ai vu le ministre et notre curé s'entrebattre à coups de poing sur le différent de la religion et vider de cette façon les points de controverse. Je ne sais pas qui était le plus vaillant et qui donnait le meilleur coup, mais je sais très bien que le ministre se plaignait quelquefois au sieur de Mont qu'il avait été battu. Je vous laisse à penser si cela était beau à voir. Les sauvages étaient tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Et les Français, mêlés suivant leurs diverses croyances, disaient pire que prendre de l'une et l'autre religion, quoique le sieur de Mont y apportât la paix le plus qu'il pouvait. Ces insolences étaient véritablement un moyen de rendre l'infidèle encore plus endurci dans son infidélité. En ces commencements, les Français furent vers l'Acadie, ajoute frère Sagard. Il arriva qu'un prêtre et un ministre moururent presque en même temps. Les matelots qui les enterrèrent les mirent tous deux, par une dérision impie, dans une même fosse, pour voir si, après leur mort, ils demeureraient en paix, puisque, durant leur vie, ils n'avaient pu s'accorder ensemble. Et toute cette scène funèbre se tourna en risée bouffonne. Ces scènes peu édifiantes ne se virent jamais à Québec, car les marchands français eurent le bon esprit de n'y pas envoyer de ministres de leur secte. Mais, par contre, ils surent y placer des agents aussi fanatiques qu'eux-mêmes, bien trop zélés, hélas, à faire de la propagande parmi les compatriotes qui, à venir jusqu'à l'arrivée de Louis Hébert, étaient tous à leur solde. Les Récollets s'en plaignirent en des termes très amers. Mais nous croyons qu'ils ont dépassé un peu la note juste en ce qui se rapporte aux commis et à leur aide. Comme nous le verrons plus tard, il y en eut de bons, même parmi ceux qui n'étaient pas catholiques. Tous les désordres qu'ils déplorent se passaient à bord de vaisseaux, dont les équipages, recrutés à la hâte et sans trop de soin, apportaient sur nos rives le spectacle de leur irreligion. Dans leur vaisseau, où ils faisaient leurs prières, ils avaient partout le dessus, dit le frère Sagard. Et nous, en chantant les louanges de Dieu, nous étions contraints de tenir la proue. C'est que les principaux de la flotte, avec la plupart des officiers, étaient de la religion prétendue réformée. Ne trouvant donc ni empêchement ni obstacle qui s'opposait à leur volonté, ils forçaient les catholiques eux-mêmes à assister à leurs prières et à leurs chants de maraud, sous peine autrement d'en être point admis dans leurs vaisseaux ni employés dans leurs ateliers. Je m'en suis plaint bien souvent, mais en vain. Les catholiques, sans dévotion, à qui la seule avarice faisait passer la mer pour apporter des pelleteries, s'accommodaient aisément à l'humeur des Huguenots. Il arriva même que, pendant qu'un de nos religieux disait la Sainte Messe, à la traite, les Huguenots en vinrent jusqu'à chanter leur marotte, ce qui avait l'air d'être fait pour l'interrompre et le contrarier. Ce n'était pas le moyen de planter la foi catholique dans ce pays, les chefs et les principaux étant contraires à cette même foi, mais plutôt d'établir parmi les sauvages une confusion de croyances. Les marchands s'étaient engagés toutefois à poursuivre à l'entretien et au transport gratuit de ces religieux, et ce fut sans doute une des conditions essentielles de leur charte. Pour eux, comme pour Domont, la colonisation du Canada devait être catholique, et il leur était défendu de prêcher le calvinisme aux sauvages. « Politique pleine de sagesse, » s'écrit Bancroft. « Et bien conforme à l'esprit d'une religion qui aime tous les membres de l'espèce humaine, sans distinction d'origine ou de couleur. Elle était aussi d'accord avec les principes de cette charte elle-même, qui assimilait d'avance le néophyte indigène aux citoyens français, et l'admettait à jouir des mêmes droits sociaux. » Cette conduite de la France envers les tribus indigènes, dit un autre écrivain protestant, Parkman, contrastait avec celle des autres nations européennes. Les Espagnols réduisaient les sauvages au rôle d'esclaves. Les Anglais les vouaient au mépris et à l'abandon. Les Français les aimaient et les traitaient en frères. Les interprètes, cette classe d'hommes qui auraient pu jouer un beau rôle auprès des sauvages, en travaillant de concert avec les missionnaires, à procurer leur conversion, furent ceux qui mirent le plus d'entraves au développement du catholicisme. Étaient-ils soudoyés, ou n'agissaient-ils ainsi que pour ménager leurs intérêts particuliers et donner libre cours à leurs passions? Il est certain que plusieurs d'entre eux firent preuve d'un mauvais vouloir, trop évident pour que nous ne le fassions pas entrer en ligne de compte dans l'insuccès qui marqua au début l'œuvre d'évangélisation des infidèles. Les uns menèrent une vie coupable au milieu des tribus, au point de scandaliser ces indigènes, chez qui la pudeur pourtant ne brillait pas d'un bien vif éclat. Ils ne furent pas seuls à donner de si mauvais exemples par leur conduite désordonnée. Mais, tandis que les Récollets ne faisaient qu'un bref séjour au milieu des sauvages, les Truchements vivaient presque constamment à leur côté, se familiarisaient avec leur langue et leurs coutumes. Dans ce commerce journalier, ils auraient pu apprendre à ces pauvres infidèles des notions chrétiennes tout en les mettant eux-mêmes en pratique. Mais une fois entrés dans une mauvaise voie, ils ne surent plus comment en sortir. Bien différente était la conduite de Champlain sous ce rapport. Vivant comme un religieux voué à la chasteté, notre héros ne donna jamais la plus légère prise aux soupçons contre la sainte pudeur. Le témoignage du père Lannemand mérite d'être cité. La réputation de M. Champlain, qui fit ici quelques séjours, il y a environ 22 ans, vit encore dans l'esprit de ces peuples barbares qui honorent, même après tant d'années, plusieurs belles vertus qu'ils admiraient en lui, et particulièrement sa chasteté et sa continence. Plus à Dieu que tous les Français qui, les premiers, sont venus en sa contrée, lui eussent été semblables. Un autre reproche à la charge des interprètes est d'avoir refusé aux missionnaires récollets de leur apprendre le secret des langues qu'ils étaient parvenus à baragouiner passablement. Nous avons à cet égard le récit du père Charles Lannemand, supérieur de la mission des Jésuites à Québec. Parlant de l'un d'eux, il dit « Ce Truchement n'avait jamais voulu communiquer à personne la connaissance qu'il avait de ce langage, non pas même au révérend père Récollet, qui depuis 10 ans n'avait cessé de l'importuner. » Le père de Jeune écrivait en 1633 « En tant d'années qu'on a été en ces pays, on n'a jamais rien pu tirer d'un interprète ou Truchement Marcellet, qui pour aucun disait qu'il avait juré qu'il ne donnerait rien du langage sauvage à qui que ce fût. » Quels fruits les pauvres franciscains pouvaient-ils espérer de leur séjour au sein des peuplades sauvages, privés qu'ils étaient de la faculté de les comprendre et surtout de se faire entendre d'eux? Ainsi, peut-on se rendre facilement compte de l'inutilité de leurs efforts, poussés jusqu'à l'héroïsme? Quand on sait qu'il fallut au père de Brébeuf plusieurs années d'une étude acharnée pour le mettre un peu au courant de l'idiome huron, et que d'un autre côté, aucun des pères Récollets ne put un long séjour dans cette mission lointaine, on ne doit pas être étonné de ce qu'à l'arrivée chez les Hurons de ce jésuite, qui fut leur apôtre pendant plus de 16 ans, le catholicisme n'y eut fait encore que des progrès peu sensibles. Ces bons et vertueux Récollets eurent l'immense mérite de prier la voie à leurs successeurs, et ils firent briller la croix du Sauveur aux yeux des nations barbares depuis Tadoussac jusqu'au lac Huron, en les catéchisant des yeux plutôt que par des discours. Une des plus terribles épreuves que les Récollets rencontrèrent en Canada furent l'obligation de franchir de longues distances pour atteindre les sauvages. En été, il leur fallait ramer pendant des journées entières, porter les canots sur leurs épaules quand la navigation des rivières devenait impraticable, endurer les morsures des mouches, un des plus grands fléaux de la vie des bois, et pour comble d'ennui, coucher sur le sol avec une pierre pour chevet, partager les mets dégoûtants de ces peuples, malpropres à l'excès, durant l'hiver, chausser la raquette, dont l'usage immodéré occasionne des maux de jambes insupportables, contracter bien souvent des ophtalmies violentes, braver des froids de 25 à 30 degrés, dont l'intensité leur était inconnue. Telle était la vie de ces vaillants disciples de Saint-François, vie de misère de toute nature, vie qui semble au-dessus des forces humaines, mais qu'ils supportèrent toujours avec une résignation digne des martyrs de la Chine et du Japon. Le frère Sagar, qui entreprit un voyage jusque dans les régions lointaines où les Hurons étaient cantonnés, a laissé un récit bien touchant des incommodités de ses courses apostoliques. Pour pratiquer la patience à bon escient et pâtir au-delà des forces humaines, il ne faut, dit-il, qu'entreprendre des voyages avec les sauvages. Car il faut s'y résoudre d'y endurer et pâtir, outre le danger de périr en chemin, plus qu'on ne saurait penser que de la puanteur que ces sales maussades rendent presque continuellement dans leurs canots, ceux qui seraient capables de se dégoûter de tout, de si désagréables compagnies, que pour coucher toujours sur la terre nue par les champs, marcher avec grand travail dans les eaux et lieux fangeux, et en quelques endroits par des rochers et bois obscurs et touffus, souffrir des pluies sur le dos, toutes les injures des saisons et du temps, et la morsure d'une infinie multitude de moustiques et cousins, avec la difficulté de la langue pour pouvoir s'expliquer suffisamment et manifester ses nécessités, et n'avoir aucun chrétien avec soi pour se communiquer et consoler au milieu de ses travaux. Mais l'ardeur de souffrir pour la religion catholique, à l'exemple des premiers apôtres, leur faisait endurer sans se plaindre l'horreur de cette vie pénible, et souvent même, ils n'étaient jamais plus heureux que lorsqu'ils avaient plus souffert, disant alors comme saint François Xavier, « Encore plus, Seigneur, encore plus ». Si les consolations du ciel ne leur manquaient pas à travers toutes les croix de la route, ils eurent aussi, pour soutenir leur courage, l'appui constant et efficace de Champlain, qui se montra l'ami des missionnaires à toutes les périodes de sa carrière. Sa confiance en eux était si grande qu'il les consultait toujours dans les circonstances difficiles. Souvent, il entreprit avec quelqu'un d'entre eux le voyage de France pour exposer aux yeux du roi les besoins spirituels et temporels de la jeune colonie. Cette amitié ne se démentit jamais. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté le chapitre 16 de Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, histoire de sa vie et de ses voyages par N.E. Dionne. Cette version audio est diffusée sous contrat Creative Commons Attribution Non-Commercial Non-Derivatives et est une production 2011 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.